nisomba mele kitoko moye Congo. Congolais nyoso du nord au sud, de l'est à l'ouest, de la diaspora. La mukani totonga mbokae, vana bakoya sima bandi mabiso. Congo na ngai, Congo na yo, Congo na biso tobongisa. Eh. Congo, Congo, Congo, Congo, Congo, Congo. Nzambe apesa biso mabele kitoko boye. Comme une attente à mondialisation, bâtissant une nation forte. Mon Congo, mon gala, tout ton Congo, mon corps. T'as réalisé Congo développé. Éducation, santé, justice, industrie, nananzela, tolona. Some